Radio Gémozo, je suis Lia, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui pour cette belle journée du lundi 10 janvier. Oui, nous sommes en direct, il est midi une très précisément, il fait beau, je regarde par la fenêtre, c'est très agréable, il fait froid, mais le soleil est là, voilà pour le petit point météo. Alors je devais aujourd'hui recevoir l'artiste Julien Bouchard qui, pour des raisons personnelles, eh bien, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. J'ai donc décidé de te passer quelques disques chouchous, hein, comme on a à mon habitude, mais surtout quelques précieuses infos locales de ce qui se passe en ce moment, car il y a encore des choses qui se passent malgré la situation. Et on va commencer tout de suite dans le monde de la culture avec l'association Cinémarcade et le cinéma majestique de Remiremont qui vous invite à voir ou revoir les meilleurs films de l'année sélectionnés par la rédaction de Télérama. Retrouvez le pass festival Cinéma Télérama dans votre magazine Télérama des 12 et 19 janvier. Le pass vous permettra de bénéficier du tarif de 3,50€ par séance et pour deux personnes pour toute la programmation du festival. Plus d'infos sur festival avec un s.télérama.fr, hashtag festival cinéma. Voilà, voilà. Allez, c'est au tour du Cercle Médiathèque Intercommunal qui vous propose au sein de la nouvelle édition de la Nuit de la Lecture un cluedo sur le thème de Roméo et Juliette. Quel secret se cache derrière le destin tragique des amants de Vérone? Menez l'enquête dans ce jeu grandeur nature avec les bibliothécaires à partir de 10 ans sur inscription. Ça se passe le samedi 22 janvier à 17h30 à Remiremont. Il propose également un spectacle nommé Les Bijoux Indiscrets, des blasons de la Renaissance aux romans et poèmes contemporains. Ce voyage littéraire donne la parole aux plus grands auteurs dans un registre que l'on ne leur soupçonne pas toujours. Le plaisir de la chair et des mots prend divers atours. Textes et chansons se répondent entre sensualité et drôlerie à partir de 16 ans. Et oui, info pour tout le monde. Ça se passe toujours sur inscription. C'est toujours le samedi 22 janvier à 20h à Remiremont. Allez, on continue toujours avec cette médiathèque qui proposera un jeu atelier, créer vos propres jeux de société. Vous êtes joueur, vous êtes bricoleur, alors cette nouvelle animation est faite pour vous. Venez fabriquer vos propres jeux de société en matériel de récupération. Tout le nécessaire pour créer des jeux sera fourni et donc composé de matériaux de récup, carton, emballage, boîte à chaussures, etc., etc. Il ne restera ensuite plus qu'à jouer. À partir de 6 ans, toujours sur inscription, ça se passera le mercredi 19 janvier de 14h à 16h. Et cette fois-ci, ça se passera au Val d'Ajol. Allez, c'est le moment où je te balance mes disques chouchous avec Hypnotic Brass Ensemble, qui est un orchestre de cuivre de Chicago, dont 8 des 9 membres sont les fils du trompettiste de jazz Phil Coran quand même. Bon, c'est pas mal, belle bon bref, j'ai perdu le mot. On écoute leur titre Spooty tout de suite après le titre Démon, chanson de l'auteur, compositrice, interprète belge Angèle en feat avec le rappeur belge également Damso, qui est sorti le samedi 3 décembre 2021 en tant que deuxième single de l'album 96. C'est donc Démon, mais tout de suite Hypnotic Brass Ensemble. Allez, on se retrouve juste après. We'll be right back. tout va bien, enfin ça allait. Confiante de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et pas en fumée. Jour après jour, je m'habitue à mes ennemis qui me tuent. Et j'apprendrai toutes les vertus. Oh, jour après jour, je m'habitue. Quand j'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Mon radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. Je suis dans la zone, rageux, me suis pas la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus, pour rappeur, non, pour moi depuis que j'ai d'albums vendus. Très sincère, non, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos, couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, je ferai un don de quelques futurs homo sapiens. Je suis l'avatar du game, je maîtrise les quatre. Je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer le démon. Comment manger ma femme, j'ai plus mon nom. Titre de Angèle en feat avec Damso, ces deux artistes belges sont complètement incroyables. Gros coup de cœur pour ce titre. Voilà, allez, on continue vers les actus locales. Qu'est-ce qu'il se passera cette semaine et peut-être un petit peu plus loin également? Là, ça se passe ce soir. C'est le Plombière Cinéma qui reçoit donc ce soir Aurélia Georges qui viendra présenter en avant-première son film La place d'une autre à Plombière. Ça se passe à 18h. Ce film a été tourné à Nancy, dans les Vosges et dans le Grand Est, tout ce qu'on aime. Jamais en manque d'idées, les bénévoles proposeront également, après l'avant-première, une tombola. 7 lots exceptionnels d'une valeur totale de 100 € seront offerts par les partenaires du cinéma par tirage au sort. Sans oublier évidemment Lucas Tiria qui offrira le trophée de la 3e Énarque. Alors ces enthousiastes amis de la résistance cinématographique de Plombière de l'année 2022. Voilà pour ce qu'il se passera à Plombière ce soir. On continue avec les dons du sang, la collecte des Vosges de ce mois de janvier 2022. Aujourd'hui, donc le lundi 1er janvier de 15h30 à 19h30, ça se passera à Bruyères à la salle des fêtes. Demain mardi, eh bien toujours ça se passera à Épinal à l'espace court de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30. Mercredi de 16h à 19h30, ça se passera à la Bresse à la salle des fêtes. Mercredi 19 de 16h à 19h30, ça se passera ici à Saint-Étienne les Remiremont dans la toute nouvelle salle multi-activité. Vous pourrez retrouver toutes les collectes sur dondesang.efs.santé.fr. Il y a bien entendu d'autres dates dans d'autres lieux. J'essaye de vous donner les lieux les plus proches, mais peut-être que vous nous écoutez depuis notre site internet ou depuis nos applications Radioline ou Orange Radio. Sachez qu'il existe bien entendu d'autres dates sur d'autres endroits des Vosges. Voilà. Allez, maintenant, un concert organisé par la Chapelle des Arts de la Suche en partenariat avec la commune de Saint-Étienne-les-Remiremont. Se présentera le quintet Molto Vivo et les accordés de Saint-Nabor. Ça se passera ce samedi 15 janvier à 20h30 à la salle multi-activité, encore une fois, de Saint-Étienne-les-Remiremont. En petit aparté, salle multi-activité qu'il faut vraiment aller voir si vous n'y êtes jamais allé encore. C'est une très très belle salle. Voilà, il faut aller en profiter. Ouverture des portes à 20h, passe sanitaire bien entendu obligatoire, port du masque également obligatoire durant le concert. Ça se passe donc ce samedi 15 janvier à 20h30 et vous pourrez retrouver ces informations et bien sûr le site de la mairie de Saint-Étienne-les-Remiremont. Voilà. Allez, on continue avec mes prochains sons chouchous du jour. Qu'est-ce que je vous ai concocté? Eh bien, on va partir pour le titre L'Enfer, tout dernier titre de l'artiste Stromae qui a été mis en ligne sur les plateformes musicales il y a très peu. Le nouvel album de Stromae, Multitude, sortira le 4 mars. Alors les trois premiers concerts événements de sa tournée sont programmés donc à Bruxelles, Paris, Amsterdam, tout ça au mois de février. Et les billets de ces trois premiers shows ont déjà été écoulés dans leur totalité en un quart d'heure seulement le jour de leur mise en vente. Le 3 décembre, a fait savoir sa maison de disques. Bien entendu, tout le monde attendait le retour de cet artiste incroyable, Stromae. Et tout de suite, on commence par Knock Knock de l'artiste Mac Miller. Mac Miller et Stromae, c'est tout de suite sur Radio Gémozo. Please put a thumb in the air. Hey. So much that I can't keep count. New kicks give me cushion like whoopee. Keep a smile like an eating pork cookie. Everything good, I'm white boy awesome. Up all night, Johnny Carson. I ain't got a Benz, no, just a Honda. But try and get my money like an anaconda. Real, real long, across the country. Chilling in the whip, no cap can bust me. Driving to the stage, they applaud and scream. All them pretty little girls come and flock to me. Yeah, I rack the beat. This is really how it goes. Mouth my words, don't say shut up, girl, and ride this. I'm just playing, let's have a ball. All we need is some green girls and alcohol. Hey, don't forget it when I'm wrecking the etiquette for the hell of it. Smelling it when the L is lit, I'm flying in a Pelican. Young, fresh, but I'm so damn intelligent. Girls giving cause I'm acting like a gentleman. In deeper than the water, Michael Phelps was in. Finna have a party, baby, you can tell your friends. We the type looking right, still setting trends. Good job, I'ma get these dead presidents. Yeah. suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. L'enfer de l'artiste Stromae, très très touchant les paroles de cette chanson je trouve. Allez, on continue vers les actus locales qui se passeront très très prochainement. Alors cette année, le festival Accord des Montagnes se déroulera du samedi 15 janvier au vendredi 21 janvier et ils ont hâte de vous retrouver. Depuis janvier 2008, les montagnes de la Bresse sonnent et résonnent au son de l'accordéon durant une semaine, désormais institution pour les passionnés d'accordéon. Depuis cette première édition qui constitua le début de cette folle aventure, des artistes de toute nationalité et couvrant l'ensemble de nos régions françaises sont venus participer à ce festival. Les présences belges, russes, américaines sont venues enchanter les oreilles les plus musettes pour faire découvrir l'ensemble des styles de cet instrument qui ne cesse de nous surprendre. Continuons à découvrir les musiques autour de l'accordéon au cœur des montagnes. C'est aussi ouvrir nos cœurs vers la musique et la convivialité. C'est beau. Rions, chantons et profitons des Vosges pour cette 15e édition. Retrouvez le programme complet sur www.accordesmontagnes.com. Vous retrouverez d'ailleurs au sein de cette programmation eh bien Cyril Renaud, notre animateur de Musette Party, qui vous propose cette émission tous les samedis à 10h jusqu'à 12h30 et en rediffusion le dimanche à 7h. Entre autres, hein, il y a des grands noms, Michel Monaco, par exemple, auquel je pense et qui est souvent eh bien, l'invité des années bonheur de notre ami Gilou. Voilà, voilà. Je continue avec le projet Fibre proposé par la compagnie Héliotrope qui s'articule en trois étapes, un cycle de deux ateliers suivis d'un spectacle, trois structures intercommunales, le relais Petite Enfance, la structure multi-accueil de Maxon Rue et la médiathèque Le Cercle qui s'unissent afin de proposer cette animation à destination des tout-petits. enfants de 0 à 6 ans. Alors je commence tout de suite par le deuxième atelier car le premier est déjà passé. L'atelier Fibre à fabriquer se tiendra ce jeudi, le 13 janvier, à 9h30 ou à 10h30. Confection d'objets simples et ludiques à l'aide de différents matériaux textiles. C'est gratuit. Sur réservation, il y a 15 places par séance. Alors surtout, n'hésite pas, rpe@ccpvm.fr ou mediatech@ccpvm.fr pour t'inscrire. Voilà. Allez, je continue eh bien avec mes prochains sons hein, car c'est bientôt la fin de cette petite rubrique que j'ai eu envie de te proposer aujourd'hui. Je te propose Good Morning de Kanye West, un bon coup de bonne humeur dans cette émission. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's. Rosie Perez, and yes, barely passed any and every class. Looking at every app, cheated on every test. I guess this is my dissertation. Homie, this shit is basic. Welcome to graduation. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. On this day we become legendary. Everything we dreamed of. I'm like the fly Malcolm X. Buy any jeans necessary. Detroit red cleaned up. From the streets to the league. From an eighth to a key. But you graduate when you make it up out of the streets. From the moments of pain. Look how far we done came. Haters saying you changed. Now you doing your thing. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Look at the valedictorian. Scared of the future while I hop in the DeLorean. Scared to face the world, complacent career student. Some people graduate but be still stupid. They tell you read this, eat this. Don't look around, just peep this. Preachers, teach us, Jesus. Okay, look up now, they done stole your streetness. After all of that, you receive this. Good morning. Hustlers, that's if you still living. Get on down. Every time that we hit them, good morning. Hustlers, that's if you still living. Get on down. Every time that we hit them, good morning. Hustlers, that's if you still living. Get on down. Every time that we hit them, good morning. Hustlers, that's if you still living. Get on down. Get on down. Get on down. Voilà pour ce titre de Kanye West. J'ai été ravie de t'avoir sur les ondes de Radio Guémozo pour quelques petites infos locales. J'en profite suite eh bien, à l'enfer, le titre de Stromae que je t'ai passé tout à l'heure, pour te passer une petite info dans le cadre du casting danseurs et danseuses pour le tournage du prochain clip de l'artiste donc Stromae pour son single L'Enfer que nous avons écouté tout à l'heure, qui nous revient avec un nouvel album intitulé Multitude après 3 années de silence. La production recherche des danseurs hommes-femmes de niveau moyen, avancé et pro, à partir de 15 ans et de tous types et origines. Rémunération prévue, le tournage aura lieu à Bruxelles les 21 et 22 janvier 2022. toutes les modalités sur www.castprod.com. Je ne manquerai de te divulguer ces informations sur nos réseaux sociaux. Allez, je te laisse avec la suite des programmes et surtout en chanson avec Blanco White pour On the Other Side. Ah non, c'est fini. C'est Golden Hour de Deep et de Catfield. Allez, je t'embrasse. Prends bien soin de toi et puis prends bien soin des autres. Kiss.